Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des Saguenayens de Chicoutimi. Hier, on a parlé avec Samuel Harvey, l'ancien gardien but des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif d'Alma, qui a participé au camp des recrues des Hurricanes de la Caroline. Là, maintenant, on va parler avec un autre joueur qui a participé au camp des Canadiens. Ce coup-là, c'est Alexis Schenk. Alexis Schenk qui a participé au camp des recrues. Question de savoir un peu comment il a trouvé son expérience. On lui parle. Salut, Alexis. Salut. Alexis, d'abord, comment tu as trouvé ton expérience au pré-camp des recrues du Canadien? Est-ce que tu es vraiment. D'abord, est-ce que tu allais là avec une idée en tête ou tu es vraiment été. Ou tu allais juste là pour faire tes preuves et apprendre ou y prendre l'expérience? Ben, c'est ça. Le premier, c'est tout le temps de passer la première coupure. Okay. Mais, tu sais, je savais qu'il y avait beaucoup de gardiens de but. Il y avait tout. Pas mal signé, était tout dans Rocket ou dans l'Union nationale. Fait que, mais mon but premier, c'était vraiment de donner une bonne performance là-bas, me faire voir par l'organisation ou par d'autres équipes. Puis c'est vraiment de performer puis me mettre dans la map un peu, là, tu sais, pour mon avenir. OK. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a dit par la suite? Est-ce qu'on était content de ta performance? C'est là que c'est sûr qu'on. Est-ce que tu étais déçu au moins que tu n'as pas commencé le camp d'entraînement, le pré-camp? Ou l'invitation de la Ligue américaine? Non? Pas. Ben, c'est pas vraiment une déception. Je m'attendais à rien. Je m'attendais même pas à avoir d'invitation ou rien. Fait, je suis allé là dans le seul but de me faire voir. Puis, c'était juste des commentaires positifs que j'ai eus. Puis, je suis vraiment content. Puis, ils me l'ont dit cette année, ils vont vraiment me regarder. Puis, ils ont vraiment aimé ce qu'ils ont vu. Puis, l'année prochaine, j'ai joué sur mes 19 ans. Donc, je peux encore me faire drafter par soit une autre équipe, soit eux. Puis, me faire inviter quelque part d'autre. Donc, pour vrai, c'était juste motivant, qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'on t'a. Est-ce que. Sur quoi qu'on veut que tu travailles pour la prochaine année? Dans le fond, c'est beaucoup. Là, j'ai travaillé avec Marco Marciano, okay. Le coach de Spoiler des Rockets de Laval. Puis on a beaucoup parlé de mes yeux. Il faut vraiment voir la rondelle. Okay. Ça, c'est vraiment un point qui veut que je travaille cette année. Puis sinon, il n'y a pas vraiment de point précis, mais ils veulent juste que je donne une chance à mon équipe de gagner. T'sais, c'est ma job de goaler. Est-ce que le fait que t'es un petit gardien de petite stature, ça peut te nuire, ça? Peut-être avant la grandeur, ça importait vraiment beaucoup. Okay. Mais là, on dirait plus les années avancent, plus l'équipement rapetisse, plus on veut des goalers de réflexe et de rapidité. Ouais. Donc je pense que ça peut être un avantage pour moi. Mais peut-être que ça peut nuire, mais moi je le vois vraiment pas de même. Je fais ma game. Une journée au pré-camp, ça ressemble à quoi? Dans le fond, t'arrives souvent le matin, on se lève vers 7h, 8h. Okay. On va déjeuner à l'aréna. Après ça, ensuite de ça, on a souvent. La première journée, c'est des tests physiques. C'est sûr, c'est une journée de tests physiques. Après ça, on a des pratiques. Mais généralement, c'est. On fait un warm-up, on va à la glace. On fait un cooldown après ça. Souvent, il y a des petits médias après la journée. Après ça, on retourne dîner. On revient à l'aréna. Soit qu'on fait une petite game intra-équipe ou une vraie game. C'est ça qui est arrivé là-bas. Mm. Puis sinon, c'est des journées assez remplies. T'es à l'aréna toute la journée. Quand tu reviens à l'hôtel, tu reviens peut-être pour une heure. Fait que OK, OK. C'est pas mal ça, les journées. Là. C'est intense. Bon. Dis-moi, là, il était 19 ans. C'est ton année... Ben, écoute, Raphaël Harvey-Pinard a été repêché à 20 ans, donc c'est encore une possibilité aussi. C'est une année importante pour les Sags et également pour Alexis Chang. Le but, c'est d'être un des trois meilleurs gardiens de but de la Ligue, j'imagine? Ben, c'est sûr, ça serait le fun que ça arrive, mais mon but premier, c'est vraiment de donner une chance à mon équipe de gagner. Je veux pas me mettre de pression supplémentaire avec les statistiques. T'sais. Si j'ai les bonnes statistiques à la fin, c'est bien, mais mon but premier, c'est de donner une chance à mon équipe de gagner. Puis je pense que c'est vraiment dans cette optique-là que je veux commencer la saison. Comment tu vois l'année? Parce que, regarde, je voyais Stéphane Leroux un matin qui vous met en première position de la Ligue, pas seulement de votre division, mais de la Ligue. Est-ce que du côté des joueurs, est-ce qu'on ressent cette pression-là? Parce que là, cette année, c'est minimum Final Four. Là. Bien, c'est sûr qu'on voit dans les nouvelles de hockey junior, on voit ça partout. T'sais. Oui, sur papier, on a une bonne équipe, mais on peut rien faire si on travaille pas. Donc, vraiment, notre coach, il nous l'a pas mal dit, puis il nous fait travailler sa glace. Fait que, non, c'est juste qu'il faut travailler fort. Puis si on travaille fort, je pense qu'on a le talent. OK, OK. Ben, Alexis, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est une année importante pour les partisans des Sags, pour Alexis Schenck également. Au plaisir de se reparler, puis durant l'année, on va se parler au moins une fois ou deux. Parfait, merci beaucoup. Le gardien de but des Saguenay de Chicoutimi, Alexis Schenck.